rap, planète rap. Franchement, enfoiré sur Skyrock. Exclusivité à quel secours. Les enfoirés, t'as la Honda ST-Click, grosse équipe, les petits craveurs d'élite, je vous dis salut, ciao, salut. Écoute comment le 16 est salé, niquez vos mères, bande de salopes. La bague, la tête, les bleus qui galopent, stop, pull up, solo tambolos. Parole de tres puntos, je suis pas là, gang, somme à Batos. Demande à cause, y'aura sûrement de la casse, c'est Charles Vegas. À la gang depuis les premiers ici, à la Sega, c'est une saga. Les keufs, le saga, j'abrège. Tout droit dans le trou, pas la dèche. À force de baiser à Bruxelles, j'attrape l'accent belge. J'suis sur des rats, c'est comme un cas de secours. Athènes à sa cour, cherche une issue de secours. La rue, la prison, j'ai pas loin, deuxième tour. Les grosses boucards, les vois pas dans la cour. Moi, j'suis là pour la pure, une affaire qui dure. J'suis sur des rats, c'est comme un cas de secours. Athènes à sa cour, cherche une issue de secours. La rue, la prison, j'ai pas loin, deuxième tour. Avec pas mal d'ordures, je côtoie des mecs, t'as dodo la saumure. À ce qui paraît, la sortie c'est du sûr. J'suis entouré de fissures, j'suis pas seul, j'te rassure. Parce qu'elle était dans le cœur de la pièce. Devant le Benz, moi j'ferai le S. En plein hiver, j'me réchauffe dans la caisse. Reste enfoiré dans la part des appels, j'suis avec l'os pépère. La tour de Medellin, coupe depuis la presse. J'ai rendez-vous à Lille dans le 93. J'vénère elle dans le 92. Aujourd'hui, j'l'ai révissé à plus de 92. Mais c'est juste pour la cause. J'me dois faire des housses, mais gonfler ma trousse. Allez sans retour au terre, ça vaut peut-être le détour. J'suis sur terre, t'es comme un canzoukou. Arrête la sacou, cherche une issue de secours. La rue, la prison, j'y prends leur deuxième tour. Les grosses poucaves, je les vois pas dans la cour. Moi j'suis là pour la pure, une affaire qui dure. J'suis sur terre, tout comme un canzoukou. Arrête la sacou, cherche une issue de secours. La rue, la prison, j'y prends leur deuxième tour. Les grosses poucaves, je les vois pas dans la cour. Moi j'suis là pour la pure, une affaire qui dure. Matt les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.